l'équipe est forte. Je peux pas rouler, la feuille est morte. Et les jaloux tapent à la porte. Y'a les problèmes derrière la porte. Poto, y'a les condés derrière la porte. C'est chaud, ils veulent nous péter ces bâtards. C'est trop, et on s'arrache par la fenêtre. C'est beau, j'aurais aimé que tu t'en sortes. On peut péter, l'équipe est forte. C'est beau. J'suis dans l'Vertus. J'suis dans ma bulle. Dans deux semaines, je casse ma puce. Depuis sur la table, un joint d'amener. J'suis avec ma pute. Elle a pété un plomb. J'vais lui mettre tout au fond. Dans le fond, on sait que c'est plus profond. Ils m'ont laissé dans la jungle, j'étais pété. J'parlais à mon avocat, j'avais même pas mes lacets. On s'est aimé, on s'est déçu, on s'est lassé. Je regarde le futur, il tire une croix sur le passé. J'pense même à toi dans mes prières. J'espère que demain soit meilleur qu'hier. Y'a le joint qui part en cuillère. On est des hommes, on reste fiers. J'pense même à toi dans mes prières. J'espère que demain soit meilleur qu'hier. Y'a le joint qui part en cuillère. On est des hommes, on reste fiers. J'aurais aimé que tu t'en sortes.